Auditrice, auditeur, électrice, électeur, bonsoir, François, calendrier des esclavages et des libérations. Alors au programme ce soir, eh bien Alexis Corbière, quelle personne vaut 450 fois plus qu'une autre ? Quelle personne vaut 453 fois plus qu'une autre ? 453. Algérie, l'héritage empoisonné, radioactivité. Aurélie trouve que l'inflation fait exploser les profits, plus 300%. Clémence Guette, le pouvoir d'achat des Français. Il ne s'agit pas d'acheter les Français, il s'agit de permettre aux Français d'acheter, hein, le pouvoir d'achat. Ah oui, ben, bon. Climat, l'apocalypse. Ensuite, motion de censure contre le gouvernement. François Ruffin, j'explique son programme. Adrien Quatennens, invité de Catherine Roux. Neigelen contre la motion de la NUP. Oui, Neigelen, le député, vous savez, de là-bas des Vosges. Oui, Neigelen contre la motion de la NUP. NUPES, si vous préférez. Ensuite, Jean-Yann et Daniel Prévost, et puis une petite revue de presse, et voilà, ce sera tout pour ce soir. Thank you. calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 1er août? Eh bien, par exemple, le 1er août 1291, en Suisse, pacte d'assistance mutuelle et d'arbitrage. Origine de la Confédération suisse. Le parc statue, entre autres, que ne sera reconnu le pacte. J'ai dit parc? Non, c'est pacte statue, entre autres, que ne sera reconnu aucun juge qui aurait acheté sa charge à prix d'argent. Oh, c'est vieux, ça sera en Suisse en 1291, hein. Rien à voir avec l'actualité, bien sûr. 1870, Irlande, loi sur la réforme agraire. 1894, Japon, déclenchement de la guerre sino-japonaise. 1905, Russie, grève des chemins de fer. 1906, Russie, révolte des matelots et des soldats à Kronstadt. 1912, Japon, constitution de la société fraternelle. Elle deviendra plus tard la Fédération Générale Japonaise du Travail, Sodomei. 1914, Autriche, le Parti Social-Démocrate approuve la décision de son groupe parlementaire de soutenir l'entrée en guerre de son pays contre la Serbie. 1914. France. L'ordre de mobilisation générale est lancé. L'intoxication idéologique est à son comble. La CGT. Hostile à la guerre. La CGT hostile à la guerre. Déplore le fait accompli, mais ne se sent pas en mesure de décider la grève générale. À ce moment, la classe ouvrière soulevée par une vague de nationalisme n'aurait pas laissé aux agents de la force publique le soin de nous fusiller. Elle nous aurait fusillés elle-même. Suite à l'assassinat de Jean Jaurès, le gouvernement s'associe au deuil des socialistes. Craignant la réaction de la classe ouvrière, il fait afficher un manifeste qui loue l'action du disparu et qui en même temps en appelle au patriotisme, c'est-à-dire au militarisme. L'international est parodié, on chante « C'est l'union sacrée » contre la caste féodale militaire d'Allemagne. C'est la guerre finale. Eh oui. 1920, Inde. Gandhi lance une première campagne de désobéissance civique et de résistance passive pour protester contre l'Indian Act, réforme votée en 1919, qui laisse les postes clés aux mains des colonisateurs britanniques. Ensuite, deuxième page, 1920, Grande-Bretagne, réunion du Congrès qui fondera le Parti communiste. 1922, Italie. Une grève générale est brisée par les fascistes. La tentative des social-réformistes, Turati, de former un gouvernement antifasciste échoue. La voie de Rome s'ouvre à Mussolini. 1927, Chine. En plein reflux du mouvement communiste, l'impatience révolutionnaire se manifeste à nouveau. Une insurrection commence avec l'aide du Xu Te, seigneur de guerre devenu communiste. La deuxième guerre révolutionnaire entre Chiang Kai-shek et les communistes s'annonce. Tiens, Taïwan, déjà, encore. 1930, Vietnam. Ce jour est appelé Journée rouge internationale. Le Parti communiste distribue des milliers de tracts dans les usines demandant d'imposer la journée de 8 heures et de remettre la terre aux paysans. 1936, Allemagne. Qui est-ce qui gouvernait le Vietnam en 1930? Hein? Je sais plus, c'est pas marqué sur mon livret. 1936, Allemagne. Ouverture des 11e Jeux Olympiques à Berlin. Hitler utilise cette occasion pour intensifier la propagande nazie. 1938, Madagascar. Le droit syndical est reconnu sans discrimination de langue. 1940, Estonie. Le pays devient la Estonskaya. 1944, Allemagne. Sur ordre de Himmler, les 4000 derniers tziganes parqués dans le camp d'Auschwitz-Birkenau sont gazés. Tiens, les nazis, ils gazaient aussi les tziganes. Ah. Donc, pas que les juifs. Il y avait aussi les résistants, les communistes, les opposants, enfin, tous ceux qui faisaient de la politique dans le mauvais camp. 1944, Pologne, début de l'insurrection de Varsovie. L'armée clandestine, polonaise, attaque l'occupant allemand. La population prend part au soulèvement. Devant la ville en révolte, l'armée rouge attend. Cette insurrection ne recevra aucun secours ni des Russes, ni des alliés occidentaux. Il y aura 50 000 morts et 300 000 déportés. Toute la ville sera détruite. 1944. Hein? Ben oui. On préparait déjà l'après-guerre, ici et là. 1946, Japon. Premier congrès de la Fédération des syndicats ouvriers japonais. 1955, France. À Omicourt, les métallos terminent leur congé. Une lettre du patron les attend et menace de revenir à la semaine de 40 heures avec réduction des salaires si la situation ne redevient pas normale. Les lettres de la direction sont brûlées dans un feu de joie. Des débrayements par roulement commencent. 1960, Bénin, indépendance du Dahomey, qui deviendra la République populaire du Bénin. 1970, Canada, samedi de colère à Cabano. La population chasse la compagnie Fraser, qui ne veut plus reconstruire une usine incendiée, mais qui ne vise qu'à exploiter les forêts. Dans un climat de fête populaire, un comité de survivance est mis sur pied. Son but est de créer une usine populaire. 1971, Canada. Une campagne de financement populaire est lancée pour construire une usine à Cabano. Elle sera achevée en 1974 après de nombreuses luttes contre le grand capital et l'État. Parce que le grand capital, très souvent, il a comme allié l'État. Il a pris comme vassal l'État. Il a pris comme serviteur servile l'État. Elle ne sera guère différente des autres usines, mais elle fonctionnera. 1973, France. Un plan gouvernemental pour l'IP demande une réorganisation qui entraînerait 400 à 600 suppressions d'emplois. Les syndicats refusent le démantèlement de l'entreprise. L'Assemblée générale décide de procéder au paiement intégral des salaires et en prélevant la somme sur l'argent récupéré grâce à la vente du trésor de guerre. Eh oui, un représentant est venu à Remiremont faire une conférence, passer un film. Vous en souvenez? Certains d'entre vous s'en souviennent sans doute. Bon, 1973, c'est il y a longtemps. Et puis la salle n'était pas si grande, hein. Vous pouvez pas accueillir toute la population de Remiremont quand même, hein. 1975, Finlande, après 2 années de discussion. L'acte final de la conférence d'Helsinki pour la sécurité et la coopération en Europe est adopté. 34 États de l'Est, pardon, ben oui, mes lunettes ont bougé un peu. 34 États de l'Est et de l'Ouest donnent leur signature. 1977, Nicaragua. Les 7 évêques catholiques, dans une lettre pastorale, écrivent: Le règne de la terreur oblige beaucoup de nos paysans à fuir par désespoir leur foyer et leur terre vers les montagnes. Les maux et le malaise de la nation s'accroissent. D'un côté, l'accumulation de terres et de richesses entre les mains de quelques-uns augmente. L'accumulation de terres et de richesses entre les mains de quelques-uns augmente. De l'autre côté, d'humbles paysans voient leurs terres confisquées et sont menacés par ceux qui tirent profit de l'état d'urgence. Le nombre des personnes emprisonnées sans jugement augmente sans qu'elles puissent avoir un recours légal. Et c'était 7 évêques catholiques qui s'exprimaient là. Pas des révolutionnaires politiques, non, non, non. Voilà. Monsieur Corbière. Merci, Madame la Présidente. Dans la continuité des amendements que nous portons, quand on aime la France et qu'on aime la République, on aime l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit, on l'a tous appris, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais qui dit aussi, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les distinctions sociales, pas les distinctions politiques. Il était notamment d'accord. Mais ça fonde la France républicaine que nous devons tous chérir. Et que constatons-nous actuellement? Les entreprises du CAC 40, les patrons, ont une rémunération moyenne, le fer de lance de la France, oui. L'exemple à suivre, votre exemple. Eh bien, ce que vous aimez, calmez-vous. Chers collègues, seul Monsieur Corbière a la parole. Il gagne actuellement 453 fois le SMIC, 453 fois. Et nos ancêtres disaient, pas de distinction sociale qui ne peuvent être fondées que sur autre chose que l'utilité commune. Quel homme, quelle femme, dans votre conscience, selon vous, vaut 453 fois plus qu'un autre? Si vous pensez que ça peut être le cas, alors il n'y a plus de République, je vous le dis solennellement. Alors que faire? Que faire? Il faut ce que nous proposons, du bon sens, faire en sorte que désormais le salaire du CAC 40 et des salariés soit indexé. Si les grands patrons s'augmentent, eh bien les salariés du privé augmentent de la même façon. C'est basique, c'est simple, cela fabrique de la concorde nationale. Si vous acceptez l'idée que les patrons du CAC 40 voient leur salaire augmenter de 100%, alors que les salariés ne l'ont que de 2%, cher collègue. Alors vous n'aimez pas la République. En mars 1962, les accords d'Évian ouvrent la porte à l'indépendance algérienne. En échange de l'indépendance, les Algériens font un certain nombre de concessions, notamment la possibilité pour la France de continuer ses essais nucléaires, après 1962, au cœur des montagnes du Hoggar. 3, 2, 1, 0. L'ébranlement du sol soulève les poussières accumulées par l'érosion sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives, les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. Jusqu'en 1966, la France procédera à une douzaine d'essais souterrains, présentés comme moins dangereux que les essais atmosphériques. Louis Bulidon, ingénieur chimiste de formation, s'est retrouvé dans un laboratoire militaire en mai 1962 à Inéker. Son rôle, contrôler la radioactivité de l'air ambiant. Le 1er mai 62, l'essai Béryl tourne à la catastrophe. La bombe est bien plus puissante que prévu. Tout d'un coup, ça a été le coup de tonnerre et une poussière immense. Je suis donc rentré dans mon laboratoire. J'ai vu mes mesures en vrai, si vous voulez. C'est écarté de plus en plus de ma ligne de référence. Et j'ai vu, si vous voulez, que il y avait un nuage radioactif, certainement d'une très très forte radioactivité, qui passait au-dessus de nous. Regardez en bas. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça y est. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Je mets immédiatement mon masque à gaz dans mon laboratoire et je vois mes camarades du génie venir sur le laboratoire pour savoir que faire. J'enlève mon masque, je leur montre, je leur dis « vite, vite le masque ». Et ils me disent « on n'en a pas ». En même temps est arrivé 5 ou 6 gars que je ne connaissais pas, avec leur combinaison blanche, qui se sont foutus à poil, qui m'ont demandé où était le robinet d'eau, et comme des fous furieux, ils se sont savonnés comme des bêtes furieuses. Ça a été la confirmation pour moi qu'il s'était passé quelque chose de très grave. C'est la débandade. Le ministre des Armées Pierre Messmer et le ministre de la Recherche scientifique Léon Pavlevski, venu assister à ce tir très médiatisé, fuit vers l'aéroport militaire. À la fin des années 2000, une délégation de scientifiques et d'anciens appelés a été invitée sur les lieux par les autorités algériennes. Des lieux abandonnés mais toujours accessibles. Du matériel radioactif a été laissé sur place sans que les populations locales ne soient informées du danger. Il y a des gens qui ont creusé. Certains ont pris des couvertures, d'autres des voitures, des tentes. Et que sont devenues les voitures ? Ils les ont démontées, puis ils les ont utilisées en pièces détachées. Les images d'Inéker montrent un site qui n'est pas sécurisé et auquel les populations locales ont accès librement malgré le danger. Le scientifique français Roland Desbordes avait pu y accéder. Les récupérateurs viennent toujours, plus de 60 ans après, récupérer des câbles et font brûler le plastique, tout ce qui est combustible, pour récupérer le cuivre. Et ça, il y a une activité de récupération qui est toujours aujourd'hui présente sur le site. De cette visite sur le site d'Inéker, le scientifique a rapporté un échantillon rendu par la suite aux autorités algériennes. Contaminé, en plus avec du plutonium, vous voyez sur ce pic une énorme contamination en césium-137. Il y a aussi une contamination en plutonium. Donc c'est vraiment un déchet radioactif à vie longue qui n'a absolument rien à faire dans l'environnement accessible à tout le monde. En 1962, les autorités françaises ont minimisé l'impact sur les populations locales, notamment Touareg. L'armée avait pourtant fait des relevés à des centaines de kilomètres des lieux de l'explosion, consciente de la dissémination des retombées radioactives. Le secret défense empêche toujours d'accéder à toutes les preuves de la contamination des populations et de l'environnement. Depuis des années, l'Observatoire des armements basé à Lyon se bat pour obtenir la déclassification de documents concernant les essais nucléaires en Algérie, comme les dizaines de pages de ce dossier obtenu de haute lutte.

sur le dos des chômeurs en rabotant l'assurance chômage. 1 milliard sur le dos des mal logés en rabotant les APL. Et en même temps, l'ISF supprimé, la flat tax et des tombereaux de subventions aux profiteurs et de cadeaux fiscaux. Colossal. C'est aussi le choc qui s'annonce lorsque les hausses de prix seront à leur paroxysme dans quelques mois. L'inflation est à 5%, c'est déjà insupportable pour la plupart des Français, mais le pire est à venir. L'électricité et le gaz devraient augmenter de 50% l'hiver prochain. Que faites-vous face à cela? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, vous restez le gouvernement des riches. Vous refusez de mettre à contribution les ultra-riches et les grands actionnaires, alors même que l'inflation fait exploser les profits des géants, des transports ou de l'énergie. Face à cela, le Royaume-Uni, lui, prépare une taxe exceptionnelle de 25% sur les profits pétroliers et gaziers. L'Italie, 25% sur l'énergie, même chose en Espagne, y compris sur les banques. Ce qui est colossal, c'est l'injustice de votre politique. Combien de temps encore? Monsieur le ministre, vous nous dites que vous comptez sur les entreprises dans les mois à venir. Vous nous dites ça depuis 5 ans. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Trouvé, un mensonge répété 1000 fois ne fera jamais une vérité. La vérité, Madame Panot, c'est que notre politique, comme vient de l'indiquer récemment le rapport sur la pauvreté, nous a permis, en pleine crise économique, en pleine flambée de l'inflation, de contenir l'augmentation de la pauvreté en France alors qu'elle a augmenté dans les autres pays européens. La vérité, c'est que notre politique économique de protection des plus faibles a permis de protéger le pouvoir d'achat des Français en 2021, alors même que nous étions confrontés à des difficultés économiques majeures. La difficulté, c'est que nous avons revalorisé l'intégralité des prestations sociales et que nous vous proposons à nouveau de revaloriser les prestations sociales et que nous n'avons jamais laissé tomber les plus faibles dans notre pays. La vérité, Madame Panot, c'est que la meilleure solution pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, c'est d'aller vers le plein emploi, et c'est exactement ce que cette majorité va réussir à faire. Mais grâce à vous, Madame Panot, J'ai compris, Madame Trouvé, quelle était la philosophie politique de votre famille politique. Il n'y a pas de difficulté économique auquel une taxe ne puisse apporter une solution. Un problème, une taxe. Une difficulté, un prélèvement obligatoire. Une crise économique, un impôt supplémentaire. Ça fait 30 ans qu'on essaye cela, 30 ans que ça conduit au chômage, 30 ans que ça conduit à l'appauvrissement des Français, 30 ans que ça a désespéré les classes moyennes, 30 ans que ça a désespéré tous ceux qui travaillent et qui font tourner la vie économique de notre nation. Eh bien, nous sommes fiers, Madame Trouvé, avec notre politique économique, d'avoir créé des emplois, d'avoir contenu la montée des inégalités, de nous approcher du plein emploi, de pouvoir financer enfin nos prestations sociales, car avant de redistribuer des richesses, Madame Trouvé, il faut les produire. C'est ce que vous avez oublié. Je vous remercie. Madame Trouvé. Eh bien, d'abord, je m'appelle Madame Trouvé. Nous sommes fiers de taxer les plus riches pour partager les richesses, Monsieur Bruno Le Maire. Je vous remercie. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Madame la Présidente, ministre, collègues, l'État a un double discours en la matière. Officiellement, il faut augmenter les salaires, mais en coulisses, on nous dit de faire attention. Qui révèle ici votre double discours ? Qui dévoile votre imposture ? C'est Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, le président du MEDEF. Et c'est toute votre stratégie aujourd'hui, ce double discours. Pour les médias, pour les Français, officiellement, vous affichez dans le titre de nobles intentions, des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Mais comme chez Orwell, il faut lire vos mots à l'envers, mesdames et messieurs. Dans ce projet de loi, en vérité, vous organisez sciemment, méthodiquement, la diminution du pouvoir d'achat des Français. Votre projet est dangereux d'abord, car il donne un blanc-seing aux entreprises pour ne pas augmenter les salaires. Vous préférez des petites primes, défiscalisées, une fois de temps en temps, ça serait suffisant. Et pour l'intéressement, la logique est la même. Pourtant, j'avais bien écouté Madame Elisabeth Borne quand elle nous avait dit « Les organisations syndicales et patronales trouveront en moi une interlocutrice constructive ». Mais que demandent les syndicats aujourd'hui, tous les syndicats ? Ils demandent des salaires. Et quel compromis faites-vous ? Quel compromis bâtissez-vous avec eux ? Aucun compromis. Les salaires, leur hausse, jamais vous n'acceptez d'en parler. Encore moins, évidemment, que ça puisse advenir. Aucune interlocutrice ici, donc, que de l'intransigeance, que de la fermeture. À la place, ce seront donc des primes pour les entreprises qui le voudront bien, et tant pis, à vrai dire, si elles ne le veulent pas. Votre projet est dangereux ensuite parce qu'il ruine les comptes publics. La prime défiscalisée, c'est moins d'argent pour l'État. L'intéressement, c'est moins d'argent pour l'État. La baisse de cotisation, c'est moins d'argent pour la Sécu. Résultat, on fait l'austérité à tout va dans les services publics. Les classes de nos enfants sont surchargées, les hôpitaux ferment des lits, les commissariats et les tribunaux sont délabrés. Pour les prestations sociales, là, roulement de tambour, vous nous proposez des revalorisations. Vous êtes fiers, vous faites la tournée des micros pour vanter vos avancées. Et on se penche là-dessus, on est chez Orwell, encore, vos revalorisations ne couvrent même pas l'inflation de la dernière année. Inflation qui va s'élever à 7 ou 8% d'ici le mois de décembre. Combien les salariés, les bénéficiaires de ces prestations vont-ils perdre en vérité dans leur porte-monnaie ? 3%, 5%, combien ? Quelle est la perte que vous prévoyez pour eux, que vous jugez acceptable pour eux, finalement ? Avec votre bouclier loyer, on est chez Orwell toujours, car votre bouclier est en carton, il est troué de partout, mesdames et messieurs, ce sont des dizaines d'euros que chaque locataire va perdre chaque année. Et pour que tout le monde comprenne, un exemple, avec un loyer de 600 euros par mois à des APL de 200, votre projet de loi, ce sera en moyenne 168 euros de perdu chaque année. Vous ne comprenez pas le calcul, peut-être. Demandez à n'importe quel locataire, il va vous expliquer. Parce que pour vous, c'est un chiffre, c'est abstrait, on ne sait pas trop. Pour lui ou elle, ce sera extrêmement concret. Ça voudra dire des courses en moins, du découvert en plus. Mais pourquoi serrer ainsi la vis aux Français qui travaillent, qui font tourner le pays? Parce que pour vous, il faut en protéger d'autres, les vôtres. Parce que, depuis 40 ans, votre camp politique a organisé, planifié la diminution des salaires dans la valeur ajoutée. Vous avez appelé ça la modération salariale. Quand les dividendes des actionnaires, eux, ne sont jamais modérés, ils explosent aujourd'hui. Mais ça, ça se passe à pas feutrer dans les coulisses dont nous parle Geoffroy Roux de Bézieux. Et vous, vous saisissez le moment comme une bonne occasion pour accélérer ce mouvement. En un an, jamais les salariés n'auront perdu autant, jamais les actionnaires n'auront atteint ce niveau de rendement, grâce à vous. Votre projet est dangereux, enfin, parce qu'en pleine canicule, alors que le pays brûle, il nous rapproche autant de la fin du mois que de la fin du monde. Madame Borne nous parlait pourtant la semaine dernière de l'urgence écologique. La semaine dernière. Et votre action a le mérite cette fois de la rapidité. Avec ce projet de loi, tout à la fois, vous écrasez le droit de l'environnement, vous relancez le charbon et vous nous proposez du gaz de schiste états-unien. Il faut oser un tel projet. Et il faut vous reconnaître ça au moins, du culot. Macron, saison 2, la majorité est maintenant minoritaire. On nous avait promis un changement de méthode. On a proposé le SMIC à 1500 euros, le blocage des prix. Ce projet de loi, c'est une arnaque et vous le savez très bien. Les Français, les salariés ne se laisseront pas prendre au piège de vos beaux mots, de vos mensonges, de votre double discours façon ministère de la vérité. Car la vérité, elle éclate pour eux tous les jours. Elle éclate au bas de leur fiche de paye, elle éclate sur leur ticket de caisse. Et prenez garde, parce que si vous ne revoyez pas votre copie, elle éclatera ensuite dans la rue. Merci Madame Guettet. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République. Pour sauver l'ordre moral, on sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coup d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tisons. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise. Pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus. Pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'il me ratatine pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'il ne me condamne à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester. En 1967, je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60 j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marins du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir il me coupe les doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Rara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Les Pinochet en puissance travaillent aussi du képi. Travaille aussi du képi. Fouler cette terre brûlée lui est encore très douloureux. Une semaine avant, le feu a ravagé la vie d'Anthony Sagelou, éleveur de chèvres sur l'île d'Eubé, en Grèce. J'étais au village avec les autres pour essayer de sauver les habitations. Mais le feu était loin. On n'a pas calculé qu'il parcourrait 5 km en moins de 10 minutes. C'était le chaos. On est arrivé ici le lendemain. Comme la terre était retournée, on a espéré que les animaux aient trouvé refuge ici. Malheureusement, on les a retrouvés là-bas. L'intégralité de son troupeau, 300 chèvres, a péri dans l'incendie. Des images de fin du monde. L'éleveur a lui-même filmé la scène lorsqu'il l'a découverte, 24 heures après le passage des flammes. Il ne peut retenir ni ses larmes, ni sa colère face à l'impuissance des autorités. Regardez ce que vous nous avez fait, enfoirés! Le feu est éteint, et c'est maintenant que vous arrivez? Enfoirés, canailles! Antonis avait cru bien faire en regroupant son troupeau ici. Suffisamment loin, pensait-il, du foyer de l'incendie. Si j'avais su que le feu arriverait si vite, j'aurais pris mes chèvres chez moi, dans ma maison. C'est sûr que j'aurais fait ça. Et moi, je serais resté à la porte pour les protéger s'il avait fallu. Mais personne n'aurait imaginé que le feu ferait 5 km en 8 minutes 30. Il n'y avait rien à faire, c'était phénoménal. C'est la première fois qu'on voit un tel incendie chez nous. Des feux de forêt, les habitants de l'île d'Eubé en ont connu des dizaines, mais jamais d'une telle ampleur. La Grèce a perdu en 10 jours, fin juillet, plus de 100 000 hectares, dont la moitié rien que sur cette île. 3 personnes sont mortes dans ce brasier géant, aux allures de film catastrophe. Des flammes de plus de 30 mètres de haut embrasent les montagnes d'Eubé sous les yeux de milliers d'évacués. Des centaines d'habitations partent en fumée. Au même moment, le nord d'Athènes et une partie du Péloponnèse s'embrasent, allant jusqu'à menacer les vestiges archéologiques d'Olympie. Un désastre écologique qui fait suite à la plus grave canicule enregistrée dans le pays depuis 3 décennies. Cet été, c'est toute la planète qui a vécu au rythme des catastrophes climatiques, entre incendies géants, sécheresses et inondations spectaculaires. Vous imaginez, hein, un tonneau de 600 litres qui tombe au mètre carré, l'eau ne peut pas s'évacuer, elle ne fait que ruisseler et emporter tout sur son passage. Nous avons réussi à dérégler le climat et on commence à en voir malheureusement le résultat. Les phénomènes météo extrêmes commencent presque en catimini, à la fin du mois de juin, dans un village du Canada. Lytton, 250 habitants, sa rivière et ses passionnés de rafting. En quelques jours, son nom va faire le tour du monde. Lytton s'empare d'un record dont il se serait bien passé, la température la plus chaude jamais enregistrée au Canada. 46,6 degrés le 27 juin, 47,9 le 28 juin, et le 29 juin, 49,6. C'est une vague de chaleur sans précédent. Les records ont été battus jour après jour. Le public a parfaitement conscience de ce problème de chaleur et nous faisons de notre mieux pour limiter les risques. Nous encourageons les gens à se protéger. Cet instituteur français a fait la route depuis Vancouver, 250 km pour assister à ce phénomène météo hors du commun. En tant qu'amateur de météo, je voulais aller à Lytton en cette journée historique. Ben, c'était quand même comme dans un four. Vraiment, moi, j'ai connu la canicule en France en 2003. J'ai connu d'autres vagues de chaleur dans le monde, mais jamais de cette intensité-là. On se croyait vraiment comme dans un four, dans un sauna. C'était brûlant. Le village se trouve en fait sous ce qu'on appelle un dôme de chaleur entre les États-Unis et le Canada. L'air chaud est bloqué par l'atmosphère, comme sous un couvercle. Des zones de haute pression, à un moment donné, deviennent beaucoup plus stables, stationnent en quelque sorte beaucoup plus longtemps dans la même région. Ça fait justement un dôme, un chapeau au-dessus d'une zone. Ça concentre l'air chaud, ça le projette vers le sol. Ça favorise un réchauffement qui se poursuit pendant des jours et des jours et qui conduit à des valeurs de température proches de 50 degrés. Des dômes de chaleur aux conséquences dramatiques, comme à Lytton où le pire est à venir. Dans ce paysage desséché, de nombreux incendies éclatent, visibles depuis l'espace. La petite ville, prisonnière de ces températures extrêmes, s'embrase, comme un feu de paille. Les habitants reçoivent soudainement l'ordre d'évacuer. Une fuite effrénée au milieu des feux qui avancent à grande vitesse. Me and my dog just got out, but you can see the house literally in fire as I was leaving. I didn't even have time to lock the door. En quelques heures, les flammes rongent la quasi-totalité du village. 90% des bâtiments sont réduits en cendres. Depuis le ciel, Lytton consumée n'est plus qu'une nappe de fumée. Ce phénomène météo impressionnant marque le début d'un été en surchauffe. En juin, juillet et août, le mercure monte très haut dans l'hémisphère nord, avec des records si nombreux qu'ils sont presque difficiles à suivre. En Tunisie, il a fait 50,3 degrés à Kairouan. Dans le sud de l'Espagne, 47,4 degrés. Le nouveau record de chaleur pour l'Europe a été battu en Sicile, 48,8 degrés. Un temps presque frais, comparé à ce qui se passe dans la vallée de la mort aux États-Unis. Ce jour-là, les touristes de l'extrême viennent immortaliser ces 53 degrés. La température la plus élevée jamais enregistrée pour un mois de juin dans ce célèbre désert brûlant. La vallée de la mort est l'endroit le plus chaud sur Terre. Notre record absolu, c'est 56,7 degrés. C'était en 1913. L'année dernière, nous avons eu 54,4 et hier, 51,7, ce qui est incroyablement chaud pour la mi-juin. Cette canicule sur l'ouest du continent américain a entraîné la mort de milliers de personnes. D'après les climatologues, ce phénomène est directement lié au réchauffement de la planète. D'où ce commentaire ironique de Joe Biden, destiné aux climato-sceptiques. Qui aurait pu croire qu'il ferait 47 degrés à Portland dans l'Oregon ? 47 degrés. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de réchauffement climatique, ça n'existe pas. C'est le fruit de votre imagination. Soyons sérieux. Même la France, avec son été morose, n'y a pas échappé. Le pic du Midi a enregistré la deuxième nuit la plus chaude de son histoire, avec 14,5 degrés du 13 au 14 août. D'ordinaire, là-haut, il fait en moyenne 2 degrés une fois le soleil couché. Le mois de juillet 2021 s'illustre par ce triste exploit. C'est le plus chaud qu'ait connu la planète depuis le début des relevés météo il y a 142 ans. Le fait qu'on batte des records de température ou des records d'intensité de pluie ou autre, ça c'est quelque chose qui s'est toujours passé. Mais le fait qu'on les batte de plus en plus souvent, que ces records deviennent de plus en plus nets sur des régions de plus en plus grandes, ici c'est tout le mois de juillet à l'échelle du globe, ce n'est pas explicable autrement que par le dérèglement du climat, malheureusement. Les conséquences sont alarmantes. Au Groenland, la calotte glaciaire fond massivement. Elle perd 8 milliards de tonnes chaque jour depuis fin juillet. Deux fois plus que le phénomène habituellement observé en été. D'autant plus inquiétant qu'une étude vient de montrer que cette fonte libère du mercure, substance toxique retrouvée ensuite dans les organismes des habitants et de la faune locale. À plusieurs milliers de kilomètres de là, au Kazakhstan, c'est la sécheresse interminable. Des températures élevées, pas de précipitations. Les chevaux n'ont plus rien à manger. Un millier y sont morts de famine, leurs cadavres émaciés répandus dans les steppes. Ce fermier a déjà perdu 20 chevaux et un chameau depuis le début de l'été. C'est la troisième année consécutive de sécheresse. L'herbe ne pousse plus. Et c'est encore pire cette année. Il reste seulement les mauvaises herbes. Pendant qu'une partie de la planète se dessèche, d'autres territoires se noient sous les eaux. Cet été, ce sont d'abord nos voisins qui ont subi des inondations exceptionnelles. En Allemagne et en Belgique, l'équivalent de 2 mois de pluie tombe en seulement 2 jours. Bilan, plus de 220 morts mi-juillet. Aucune incohérence avec le réchauffement climatique, au contraire, les records de chaleur s'accompagnent justement de pluies plus intenses, d'après les modèles des climatologues. Quelques fractions de degrés, ça augmente en fait la probabilité d'avoir des événements extrêmes. On sait par exemple qu'un degré de plus a pour conséquence que l'atmosphère est plus riche en vapeur d'eau de 7%. Ce qui veut dire que quand les conditions sont réunies pour qu'il pleuve, il peut y avoir jusqu'à 7% de pluie qui tombe en une période donnée en plus. Alors ça favorise évidemment les inondations. L'alerte est donnée à Liège au matin du 15 juillet. La Meuse et son affluent, l'Ourthe, montent inexorablement et commencent à déborder. Je rentre de bourgmestre. Vous êtes invité à quitter le centre-ville. Évacuer le centre-ville dès que possible. Oh putain de bordel. Si ce n'est pas possible de quitter, montez au premier étage et emportez avec vous denrées alimentaires, GSM et de l'eau. On est dans la merde là. Dans cette maison, l'eau s'infiltre rapidement. On a encore le bruit ici, de l'eau qui rentre, qui s'infiltre. On est impuissant. La pompe projette au maximum, mais on ne sait rien faire de plus. L'électroménager est déjà noyé, et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Pour le moment, par rapport à la marche, elle a encore monté. Mais il faut dire aussi que la pluie continue de tomber et malheureusement, c'est pas ça qui va améliorer la situation. Des habitants inquiets, mais loin d'imaginer le cauchemar qui va suivre. Dans toute la région, très vite, les cours d'eau en crue envahissent les rues. Il y a deux rivières dans la grande route de Potosque. Par Messenger, elles se sont par Messenger. Les trompes d'eau balaient tout sur leur passage. Ces inondations touchent aussi l'Allemagne, l'ouest du pays tout d'abord, puis la Bavière. La dépression pluvio-orageuse atteint enfin l'Autriche. Dans ces zones sous le déluge, rien n'a espéré sauver, à part sa vie. Eux s'en sortiront, mais tous n'ont pas cette chance. La décrue dévoile un paysage apocalyptique. Comme ici, près de Cologne. Un gigantesque glissement de terrain après l'effondrement de la paroi d'une carrière. Les rescapés racontent, à Pépinster, la famille Brasseur l'a échappé belle. À partir de 6 heures du matin, on a commencé à voir les immeubles qui s'effondraient, les gens qui étaient sur les toits, qui sont tombés aussi des immeubles qui ont commencé à arriver dans l'eau. Là, on a dit qu'il faut qu'on se sauve. On a crié au voisin qui devait sortir de suite, il ne voulait pas, mais on lui a dit « tu sors ou tu meurs, s'il n'y a pas d'autre solution ». Et là, on est arrivé, alors, en traversant tous les murs et tous les toits, on est arrivé sur un autre toit à l'arrière. Et là, on s'est retrouvé sur un toit à 19 et on a tenu pendant 9 heures en attendant les secours. Une quarantaine de morts en Belgique, 180 en Allemagne, la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire récente de ces pays. Ces inondations laissent aussi des centaines de milliers de tonnes de déchets qu'il faut évacuer et stocker là où c'est possible. Après sa déambulation parmi les décombres, la chancelière allemande insiste sur l'urgence climatique. Si l'on en croit la science, et c'est mon cas, les événements que nous vivons en Allemagne cet été, les précipitations que nous avons subies sont liées au dérèglement du climat. Il existe des modèles qui décrivent pourquoi de telles quantités de pluie s'abattent sur un lieu. Cela veut dire que nous devons en faire plus pour le climat. Ces propos d'Angela Merkel, la suite de l'été va cruellement les illustrer. Pour la Belgique, pas de répit. La semaine suivante, de nouveaux orages frappent sévèrement la région de Namur. En Italie, au bord du lac de Caume, des pluies torrentielles dévalent la montagne et emportent ses véhicules. Par chance, aucune victime. Le bilan est lourd en revanche en Turquie. Près de 80 morts et des dizaines de disparus mi-août, dans des provinces au bord de la mer Noire. Dans l'Est asiatique, c'est la saison des pluies, mais les intempéries sont cette année particulièrement violentes. Conséquence, cette impressionnante coulée de boue au Japon. Et des inondations meurtrières dans le centre de la Chine. L'équivalent d'une année de pluie est tombé en 3 jours sur cette métropole. Du jamais vu en 60 ans de relevé météo. Les habitants sont désemparés. Chez moi, tout est détruit. J'ai la tête complètement vide. Je n'arrive plus à penser à rien. Et où allez-vous ? Je sais pas. Je marche juste droit devant. Le traumatisme sera tout aussi fort pour ces infortunés passagers du métro, pris au piège à l'heure de pointe par la montée des eaux. Ces vidéos suffocantes ont vite fait le tour des réseaux sociaux. Des sauveteurs ont fini par briser les vitres. La plupart ont réussi à se frayer un chemin vers la surface, comme se rescaper. Le courant était très fort. Il a emporté plusieurs personnes. On a failli abandonner, on était épuisés. Mais on s'est accroché à une rambarde, fermement. Et c'est pour ça que j'ai ces bleus sur les bras. Si vous lâchez, vous êtes emporté. Ce jour-là, au moins 12 passagers du métro se sont noyés. Au total, selon les autorités chinoises, ces inondations ont fait 302 morts et 50 disparus. Face à cette succession de catastrophes naturelles, face à leur ampleur, les superlatifs finissent par manquer. Un mot est apparu ces dernières années, méga-feu. Il désigne ces incendies incontrôlables qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares. Cet été encore, plusieurs se sont déclarés dans l'hémisphère nord. En Californie, l'un d'eux progresse depuis mi-juillet. Son nom, le Dixie Fire. Il réduit régulièrement des petites communes en cendres. En Sibérie, c'est encore une autre échelle. Les flammes dévorent les forêts depuis le mois de juin. Près de 10 millions d'hectares sont partis en fumée en Yakoutie, la superficie du Portugal. Les fumées toxiques ont poussé les autorités à décréter un jour chômé. La situation est très mauvaise. Il y a beaucoup de fumée et c'est difficile. Cela me fait mal à la gorge et je ne peux tout simplement pas respirer. Vladimir Poutine lui-même, connu pour ses positions climato-sceptiques, s'inquiète désormais des conséquences du réchauffement sur son pays. Tout cela montre une fois de plus à quel point il est important pour nous de traiter en profondeur pour l'avenir l'agenda climatique et environnemental. Plus proche de nous, de grands incendies ont aussi frappé la Turquie et l'Algérie, où ils ont tué des dizaines de personnes en juillet et en août. Dans ces deux pays, la colère monte face à l'impréparation des autorités, alors que les scientifiques sonnent l'alerte depuis longtemps. Depuis des dizaines d'années, les projections climatiques montrent que le bassin méditerranéen dans son ensemble, c'est-à-dire tout le sud de l'Europe, y compris la Grèce bien sûr, et aussi le nord de l'Afrique, vont vers un climat qui est à la fois plus chaud et plus sec, hein, suite à un renforcement d'une zone anticyclonique qui rend les choses plus favorables aux incendies. Ça, c'est une tendance lourde. On doit cette situation à des conditions météo quasi similaires au départ, c'est-à-dire un printemps très sec, une vague de chaleur qui s'est installée sur ces régions, une énorme sécheresse de la végétation. Et donc évidemment, là aussi, la moindre étincelle a provoqué ces incendies qu'il a été extrêmement difficile de combattre. Retour en Grèce, sur l'île d'Eubée. Depuis son véhicule, le maire de la collectivité d'Istiaia filme l'incendie qui ravage l'un de ses villages. L'église est perdue. Putain, mais c'est pas possible. L'église est détruite. L'église est détruite. C'est moi qui ai fait le toit. Cela fait une semaine qu'il sillonne les routes de son territoire, d'un front à l'autre. Nuit et jour. Yanis Kotsias administre 40 villages du nord de l'île. Il est sollicité de toutes parts. Allô, Pavlos ? J'ai un camion à Camaria. Il est plein d'eau. Mais les gars ne savent pas où aller pour aider. Et on ne sait pas qui joindre au village. Dis-moi, où est le danger ? Va à l'église de la Vierge. C'est le seul endroit que je connaisse où il y a besoin d'eau. Dans l'urgence, il se retrouve seul à coordonner les secours et les bonnes volontés. Dis-moi, y a-t-il vraiment besoin d'aide quelque part ou on continue à tourner ? Je pense que le mieux à faire, c'est de surveiller les résurgences potentielles. Choisissez un lieu où il n'y a personne de jour ou de nuit et s'il y a un nouveau départ de feu, vous intervenez. Ils sont des milliers d'habitants à s'être portés volontaires pour défendre leur village. Mais la bataille est inégale. J'ai l'impression d'être à la guerre. Une guerre qu'on n'a pas provoquée. Une guerre inégale parce qu'en face de nous, il y a un monstre beaucoup plus fort que nous. Face aux assauts répétés des flammes qui dévorent les pins, trop peu de pompiers. Ici, l'air est irrespirable. À quelques mètres, un homme regarde, démuni, l'avancée du feu. La maison est en bas, elle va brûler. Où sont les pompiers ? Où sont-ils ? Impossible pour les Canadairs de voler dans une telle fumée. Avancez, avancez! Venez jusqu'à la maison, le feu approche. Au sol, les pompiers seront seulement une quinzaine ce jour-là. Pas suffisant. Yanis, le maire, fait appeler du renfort. Ils nous disent qu'il y a des camions de pompiers, mais ici où il y a le feu, il n'y en a pas. Le gros des secours combat les incendies dans l'Attique et le Péloponnèse. Le général dit qu'il y a 11 camions. Seule réponse des autorités, évacuer le village. Yanis est révolté. À défaut de lance à eau, les villageois utilisent leurs propres tuyaux d'arrosage. Et aussi des tronçonneuses pour couper les arbres à proximité des maisons. Vite, vite, enlevez ça de la route. On coupe les arbres parce qu'ils sont trop proches et qu'on veut mettre une plus grande distance entre eux. C'est un désastre. Un désastre. Ce travail acharné pendant 3 heures va payer. Le feu finira par s'arrêter aux portes de la commune. Mais détruire ces arbres est un crève-cœur. Ils sont la plus grande richesse de l'île de Bé. Grâce à eux, la Grèce est le premier producteur européen de résine, une matière première utilisée dans la fabrication de peintures ou encore de produits dentaires. En quelques jours, 50 000 hectares de pinèdes sont partis en fumée. La source de revenus de 800 familles vient de s'envoler, dont celle de Nikos, 30 ans. Là, vous voyez une partie de la forêt où je travaillais. C'est là où je produisais la résine. Il n'en reste rien. Vous pouvez le constater vous-même. On ne peut pas travailler avec ces arbres calcinés. Nous sommes détruits. Son activité faisait vivre sa femme, enceinte de 5 mois, sa mère et son père, Thanasis, 62 ans, qui peine encore à en croire ses yeux. Comment ça va? Le diable a tout emporté. Que faire? Celui qui a travaillé au milieu de ses pins toute sa vie se sent déraciné. Devant un tel sinistre, Thanasis craint pour l'avenir. Ces pains ont donné de la nourriture à tout le monde, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a rien à faire, tout est fini pour nous ici. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous? La famine. On va avoir faim. On n'aura plus rien à manger. Si j'avais l'âge de Nikos, je prendrais mon anorak sur le dos et qui sait où j'arriverais. Mais à mon âge, allez où? Partir ou rester? La question tourne en boucle dans la tête de Nikos. S'il veut à nouveau pouvoir vivre de la sève de ses arbres, il lui faudra attendre une 40aine d'années. Des villages détruits, des habitants contraints à l'exil, une telle situation est-elle possible en France? La vidéo est saisissante. Au cœur du mois d'août, les pompiers du Var tentent de se frayer un passage au milieu d'un rideau de flammes qui consume le massif des morts. Vas-y, à gauche, un peu. À gauche. Attends, va doucement, à droite. Oh, ça l'est. C'est bon, on est passé. Ces dernières années, il parvenait le plus souvent à circonscrire les départs de feu en quelques heures. Les superficies brûlées avaient fortement diminué. Mais cette fois, ils sont pris de vitesse. le brasier avance à 8 km/h au lieu d'1 km/h en moyenne. Ils font face à des sautes de feu de 700 à 800 mètres de longueur. Le dispositif de lutte est inédit. Plus de 1200 sapeurs-pompiers, 11 canadairs, un avion et un hélicoptère bombardier d'eau. Au sol, c'est la course contre la montre pour éviter les drames. Des milliers d'habitants et de touristes ont été évacués. Il va falloir qu'on sorte nos chevaux. Le feu arrive. Cette propriétaire d'une écurie doit reloger 170 chevaux à toute vitesse. Après deux nuits blanches à guetter les incendies autour de sa propriété, c'est à son tour d'être menacée. On doit évacuer, on a reçu l'ordre. Je suis très inquiète, oui, mais il ne faut pas le montrer. Les chevaux sont inquiets aussi. Viens là, chérie. On n'a pas le droit d'être inquiet avec eux. Parce qu'ils ressentent beaucoup plus les choses que nous. Et on n'a pas envie de les stresser avant qu'ils montent dans un camion. On veut que tout le monde soit sain et sauf à la fin. D'abord les animaux et après on verra pour essayer de sauver l'écurie. Allez, Cooper, on y va. Selon ces informations, le feu est à 3 km et les vents ne sont pas favorables. En deux heures, elle arrive à trouver un refuge pour chacun de ses chevaux. Maintenant, on attend. On guette le ciel, on guette le vent. Florence et les siens vont rester toute la nuit à protéger leur propriété, qui finalement sera épargnée. À 30 km de là, l'incendie poursuit sa course à une vitesse folle. Un jeune homme à grimoire filme le feu en train de dévaster les maisons de son hameau, qui lui n'en réchappe pas. Là, il y a notre maison, et là, il y a la maison du voisin, ça rigole. Il est 21h, les pompiers ne vont arriver qu'à 3h du matin. Mais faites attention aux débris, hein. Oh putain. Oh là là. Le lendemain, personne n'est blessé. Mais les dégâts matériels sont terribles. On s'est débattu avec nos bassines et ma petite piscine gonflable pour tout éteindre en attendant que les pompiers viennent. Et là, c'est la maison de ma voisine qui, malheureusement, elle a tout perdu. Le plus dur dans tout ça, c'était la fumée qui brûlait les yeux, qui on pouvait plus respirer, c'était affreux. Là, il y a la maison d'un autre voisin aussi qui a brûlé, avec toutes ses voitures en haut, ses motos, sa façade. C'était une maison ? Ouais, ça c'était une maison, mais je vous dis, elle faisait la taille du cyprès. Elle faisait la taille du cyprès et voilà, ça a tout brûlé. Selon les scientifiques, ce qui s'est passé dans le Var risque de n'être qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Les vagues de chaleur plus longues et plus intenses sont appelées à se multiplier. Le risque de voir se propager de puissants incendies en France augmente, et pas seulement dans le sud-est du pays. En forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, sans l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, collègues, il est logique que le refus de la confiance récolte la défiance. Nous voici enfin de retour en démocratie parlementaire. Pour résumer, vous avez été nommé par le président de la République en mai. Puis, au lendemain du naufrage des législatives, vous lui présentiez votre démission. Le président vous a maintenu en poste, et ce, alors même que vos idées sont minoritaires dans le pays. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement, à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes, à cette fonction, une anomalie démocratique. Vous avez, la semaine dernière, longuement parlé. Une heure et demie de déclarations alternant truisme, flagornerie, clin d'œil appuyé et subtil à certains de mes collègues, vaines tentatives de diviser la NUP, mots creux dont la Macronie raffole, territoire, égalité des chances, des destins, bâtir ensemble, avancer, pour mieux emballer une ligne ultralibérale qui ne vous a jamais quitté. Car oui, votre déni de réalité continue. On trouve dans votre discours une ressemblance frappante avec celui d'Emmanuel Macron sur son programme présidentiel en mars. Sauf que c'était déjà il y a 4 mois. Depuis, vous vous êtes engouffré dans une ellipse temporelle pour effacer votre défaite. Votre déclaration, c'est l'insoutenable continuité de votre projet entre autosatisfecit et congratulation. Vous prononcez, Madame la Première Ministre, 5 fois le mot compromis, mais pas l'ombre d'un regret des 5 années passées. Pourtant, vous simulez un rétropédalage. Votre ministre de l'Intérieur dans la presse nous dit que la situation, je cite, « consiste à corriger sans doute un certain nombre de choses programmatiques, de comportements que nous avons eus ». Vous-même, Madame la Première Ministre, nous dites « les Français nous demandent d'agir et d'agir autrement ». Il nous invite à des pratiques nouvelles. C'est là que la grande énigme commence. De quelles pratiques parlez-vous ? Quelles sont ces choses programmatiques à corriger ? Il n'est pas une mesure que vous ayez reniée dans votre déclaration. Votre arrogance vous empêche toute forme de désaveu. Cette même arrogance a précédé votre débâcle. Alors, voici venu le moment de vérité. Cette motion de défiance tiendra lieu de clarification politique. Puisque vous n'avez rien changé sur le fond, que votre programme de malfaisance sociale et écologique est intact, ce vote permettra de distinguer ceux qui souhaitent servir de béquilles à ce pouvoir ou font semblant de s'y opposer, de ceux qui portent une réelle alternative pour le pays. À ce sujet, le porte-parole de votre gouvernement, comme vous, Madame la Première Ministre, parlait de motion de posture. Comme toujours, vous inversez la responsabilité. Sachez, Madame la Première Ministre, que défendre la démocratie n'a rien d'une posture. Cela échappe peut-être à votre pensée complexe, vous qui pendant 5 ans avez méprisé la démocratie. Vous qui avez gouverné pendant la pandémie sous état d'urgence sanitaire, par un conseil de défense couvert par le secret défense. Vous qui avez eu pour seule réponse à toutes les manifestations de colère du peuple, la matraque. Aux gilets jaunes qui demandaient le référendum d'initiative citoyenne et une vie digne, ce furent 32 éborgnés, 5 mains arrachées et la mort de Zineb Redouane. Aux Guadeloupéens qui demandaient des moyens de santé, des mesures contre la vie chère et le droit à l'eau, ce fut l'envoi du GIGN et du RAID. Aux écologistes qui luttent pour la survie de l'humanité, c'est une pluie de procès et de perquisitions. C'est savoureux, venant de vous, qui avez confondu le Parlement avec la chambre d'enregistrement des desiderata du président. Le temps où vous considériez la démocratie comme accessoire est révolu. À l'inverse d'une posture, cette motion de défiance sert à démasquer les impostures. Car oui, elle tient lieu de clarification. Ceux qui ne voteront pas cette motion de défense seront les partisans de votre politique. Avec vous, aucune mise à contribution des plus riches ni des grandes multinationales. Pourtant, 100% des entreprises du CAC 40 ont reçu des aides publiques. L'année dernière, les 2/3 ont battu leur record de profit. Leurs actionnaires vont recevoir plus de 80 milliards d'euros. Dans votre projet de loi de finances rectificatives, vous leur faites encore cadeau de 8 milliards d'euros sans contrepartie sociale, écologique ou d'égalité de genre. À vous entendre, les incantations suffisent. Vous nous dites, Madame la Première Ministre, le pouvoir d'achat est un combat collectif. J'attends des employeurs qui le peuvent, qu'ils prennent leurs responsabilités. En d'autres termes, aucune contrainte ne pèsera sur les entreprises, mais à l'inverse, les allocataires du RSA, eux, auront désormais des devoirs en contrepartie de leurs droits. Par conséquent, ceux qui ne voteront pas cette motion seront les partisans de votre politique pour les riches et du RSA conditionné à des heures d'activité gratuites. Avec votre loi pouvoir d'achat, vous alignez les exonérations de cotisations. Avec les primes prévues, vous donnez des miettes aux salariés en lieu et place d'augmentation de salaire. Donc ceux qui ne voteront pas cette motion seront d'accord avec la mise à sac de la sécurité sociale et la stagnation des salaires. Le plus risible, c'est que vous agitez à tout bout de champ la menace de la dette tout en liquidant méthodiquement les recettes de l'État. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Avec toutes ces mesures, vous privez la puissance publique de milliards d'euros pour mieux justifier ensuite votre infâme réforme des retraites. J'en conclus que ceux qui ne voteront pas cette motion seront les partisans de la retraite à 65 ans. Vous singez l'État stratège en annonçant la renationalisation d'EDF. En réalité, c'est la dernière station avant le dépôt de bilan. Votre politique énergétique hasardeuse a précipité notre fleuron national au bord de la faillite. Le groupe pourrait être endetté de 70 milliards d'euros à la fin de l'année. Comme toujours, vous socialisez les pertes et vous privatisez les profits. Avec vous aux manettes d'EDF, plus rien ne vous empêche d'enclencher le plan Hercule, cher à Emmanuel Macron. Alors, quelle ironie de voir ceux qui jouent les défenseurs de l'industrie, de la souveraineté nationale à longueur de journée, s'apprêter à cautionner cette gabegie. En d'autres termes, ceux qui ne voteront pas cette motion seront d'accord avec la destruction de notre principal outil de planification énergétique. Emmanuel Macron disait récemment que le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Vous avez donc choisi, il ne le sera pas. Là encore, il y a les mots et les actes. Les mots, c'est vous, Madame la Première Ministre, lorsque vous dites « Nous serons la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles ». Les actes, ce sont vos députés européens qui votent le projet de taxonomie pour inclure le gaz et le nucléaire dans les énergies vertes. Les actes, c'est votre gouvernement qui propose dans la loi pouvoir d'achat un article en faveur du gaz de schiste américain. Les axes, c'est ce cadeau à Total Energy et à Engie qui n'auront même pas à souffrir d'une étude d'impact environnemental et rien sur la sobriété énergétique ou le développement des énergies renouvelables. Ceux qui ne voteront pas cette motion seront donc les complices de votre inaction climatique. Alors certes, il y a une chose sur laquelle vous êtes revenu. C'est la déconjugalisation de l'allocation en dit handicapé. On saura pour la prochaine fois qu'il vous faut refuser une mesure 6 fois avant que vous ne daigniez l'examiner. Peut-être était-ce pour faire oublier une séquence désastreuse où vous invitiez une femme porteuse de handicap à reprendre le chemin du travail. Ou simplement un acte de courtisanerie, la seule chose que vous semblerez concéder aux oppositions. Pour résumer, qui est d'accord ici pour poursuivre la politique de casse et d'injustice sociale ? Qui est d'accord avec le retour du pass sanitaire, avec la destruction de nos services publics, de notre système d'éducation ou de santé? Qui est d'accord avec le président des lobbies qui roule pour Uber? Car non, Madame la Première Ministre, vous n'avez pas changé, ni sur le fond, ni même sur la forme. Je me souviens d'une époque récente, pendant l'entre-deux-tours, où certains d'entre vous parlaient opportunément de valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon. Depuis, vous êtes aux abois. Vous peinez à dissimuler votre alliance objective avec l'extrême droite, alors vous renvoyez dos à dos ce que vous appelez désormais les extrêmes. Malgré tout, vous vous improvisez arbitre des élégances. Nous serions des zadistes, des brailleurs. Vous suintez le mépris. Et lorsqu'un pouvoir est bien mal en point, il ne recule devant rien. La semaine dernière, la Macronie et ses épigones ont déployé une ingénierie de mesquinerie pour éviter que l'on parle de l'essentiel. Peut-être était-ce votre intention pour masquer votre lune de miel avec le Rassemblement National, consommé aux yeux de tous. Monsieur Darmanin souhaite expulser les étrangers ayant commis des actes graves. Marine Le Pen applaudit des deux mains. Madame la Première Ministre, on ne récolte jamais impunément les soutiens de ce côté-là de l'hémicycle. Mais voici un bon aperçu de ce dont vous êtes capable pour maintenir à tout prix votre pouvoir et votre cap contre le peuple. Ce vote mettra au jour ceux qui veulent livrer la guerre sociale et écologique avec vous et ceux qui mèneront la bataille contre vous. Collègues, choisissez. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versailles infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernier culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché, pour fermer ses paupières, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. L'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. de notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Prenons tout ce que nous pouvons, vous nous dites, monsieur Tanguy. Mais en l'occurrence, il n'y a que du vent. Il n'y a que du vent, et le problème de votre attitude ce soir, en étant main dans la main comme ça avec le gouvernement, c'est que vous faites croire aux Français, que ce vent va se transformer dans leur porte-monnaie en argent. Absolument pas. Pourquoi ? On le redit, la prime moyenne qui a été versée aux Français a été de 500 euros, alors que le plafond était de 2000 euros. C'est pas en triplant le plafond et en le mettant à 6000 euros que ça va produire quelque chose. Mais surtout, vous savez, je suis sans doute l'un des plus fervents lecteurs de Madame Le Pen et de votre groupe pour ce qui est des programmes. J'ai lu votre programme économique. Oui, vous pouvez applaudir. J'ai lu votre programme. Vous pouvez applaudir parce que ça réclame un certain effort. J'ai lu ça depuis les années 70. Donc, tout le temps. Et y compris maintenant, lisez votre dernier programme, mon projet présidentiel de Madame Le Pen. Dedans, il n'y a pas une seule fois le mot profit, il n'y a pas une seule fois le mot dividende, il n'y a pas une seule fois le mot firme, il n'y a pas une seule fois le mot bénéfice. On est dans un moment où le taux de marge des entreprises après impôt n'a jamais été aussi élevé. On est dans un moment où les rémunérations des grands patrons ont doublé. On est dans un moment d'hyper-profit avec le CAC 40 qui a battu tous les records l'an dernier. Et sur tout ça, il n'y a pas un mot de votre part, il n'y a rien. Le partage de la valeur, ça ne vous intéresse pas. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il y a le moyen dans le pays, non pas de distribuer les aumônes à qui voudra bien le donner et le recevoir, mais simplement d'avoir un partage réel des fruits du travail dans ce pays. Et ça, vous ne luttez pas pour ça. Vous ne luttez pas pour que ces hyper-profits se transforment en modestes hausses de salaire pour les salaires des modestes. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Effectivement, Elisabeth Borne va présenter aujourd'hui sa feuille de route. Elle va présenter son discours de politique générale à l'Assemblée. Est-ce que vous lui laissez au moins une toute petite chance de vous surprendre ? D'abord, on lui laisse une petite chance de renoncer à ce qu'elle a l'intention de faire. Ce qui va se passer aujourd'hui est un événement majeur, c'est un séisme politique. Vous avez un président de la République élu au mois d'avril, qui est battu aux élections législatives au mois de juin. Vous avez une première ministre, Madame Borne, prenant acte de cette situation qui remet sa démission au président de la République, qui la refuse. C'est toujours le cas, ouais. Donc vous avez un gouvernement totalement étriqué et même illégitime dès lors que Madame Borne ne se soumet pas à un vote de confiance des parlementaires. Mais alors, là, c'est inédit, ça fait 30 ans que ce n'est jamais arrivé. Dans toutes les démocraties européennes, la plupart en tout cas où ce sont des régimes parlementaires, le Premier ministre vient devant le Parlement. Ben, le fait que la Première ministre ne sollicite pas le vote de confiance des parlementaires. Mais c'est arrivé plein de fois depuis... Pas depuis 30 ans. Depuis, voilà, c'est ça, oui, mais 27 premiers ministres... Vous imaginez, depuis 30 ans ? Oui. C'est donc... une tradition républicaine. Dans toutes les grandes démocraties, on fait ça. Le Premier ministre se présente, il fait un discours de politique générale, et puis il y a un vote du Parlement. Là, non. C'est-à-dire que gouverner va être le fait du prince. Voilà, c'est un gouvernement de fait. Il est illégitime. Vous savez, le résultat des élections législatives confirme une chose. C'est que contrairement à ce que raconte M. Macron, qui dit aux Français encore récemment dans son allocution télévisuelle, le 24 avril, vous m'avez élu sur un projet. Nous ne cessons de lui dire non, M. Macron, le 24 avril, beaucoup de Français qui ont voté pour vous ont en réalité utilisé le bulletin de vote à votre nom pour empêcher le pire, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Mais le vrai résultat des courses, Caroline Roux, c'est celui du 19 juin, des Français qui ont dit non à la politique de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique de M. Macron. Et je vous écoute attentivement depuis 1 minute 55. Et en fait, depuis 1 minute 55, vous nous expliquez que ce gouvernement n'est pas légitime, que cette élection, au fond, que les Français ont dit non à Emmanuel Macron. On a entendu hier Jean-Luc Mélenchon qui a demandé hier une commission d'enquête parlementaire sur l'organisation du vote. Il dit qu'il faut vraiment qu'on sache comment ça s'est passé pour les professions de foi, pour le vote électronique. On est dans une république bananière. Il met donc en cause le déroulement de ce scrutin. Bien la sûr, légitimité du chef de l'État, la légitimité de cette assemblée. D'abord, ce qui va se passer aujourd'hui, concrètement, c'est le fait qu'Emmanuel Macron s'assied sur le vote des Français le 19 juin. Voilà, sans vote de confiance, c'est ça qu'il se passe. Et ça, c'est ensuite, encore une fois, ça s'est déjà produit plein de fois. À l'époque, ça choquait Jean-Luc Mélenchon. Ça ne s'est pas produit depuis 30 ans, Caroline Roux, et c'est la première fois qu'un président élu au mois d'avril, battu au mois de juin, procède de la sorte. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que sur l'organisation des élections, en effet, maintenant, il est temps de mettre en cause un certain nombre de choses. Par exemple, je vous cite cet exemple très concret. Dans ma circonscription, vous avez les beaux quartiers dans lesquels les professions de foi sont bien distribuées dans les boîtes aux lettres. Et puis vous avez, je l'ai vu, dans beaucoup de quartiers populaires, des professions de foi qui sont, eux, posées sur les boîtes aux lettres, par-dessus, vous savez, sans qu'ils soient remis directement aux personnes. Tout ça participe de l'affaiblissement démocratique de notre pays. De la même manière, quand on voit comment M. Gérald Darmanin a voulu tripatouiller les résultats, d'abord en nous refusant l'étiquette Nouvelle Union Populaire, pour espérer pouvoir montrer que M. Macron aurait gagné au soir du premier tour, ce qui n'était pas le cas, car nous l'avons battu au premier tour. Eh bien, après, il a aussi retiré des députés de la Nouvelle Union Populaire pour faire croire un résultat inférieur. Donc oui, tout cela nous inquiète. Donc vous contestez le résultat de la présidentielle ? Nous ne contestons pas les résultats. Je rappelle juste pour les gens qui nous regardent, 7,7 millions de voix pour Jean-Luc Mélenchon, 9,7 millions pour Emmanuel Macron. Caroline Roux, si vous voulez me faire dire que nous n'avons pas gagné les élections, je vous le dis, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous pourriez aussi admettre avec moi que M. Macron, législative, a été battu. Et que donc, le vrai résultat des courses est celui-ci. Quand on demande aux Français leur avis sur la politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire pas dans un vote contraint comme celui du 24 avril face à l'extrême droite, eh bien, ils le disent, ils ne veulent pas de cette politique-là. Or, M. Macron, aujourd'hui, ne bouge pas d'un iota sur cette politique. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que vous pensez que tous les gens qui ont voté pour vous ont voté non à Macron. Ils n'ont pas voté, politique sociale que vous avez défendue. Non, précisément, je crois le contraire. C'est-à-dire que je crois autant que le 24 avril, beaucoup de Françaises et de Français, d'ailleurs, certaines enquêtes d'opinion que vous avez commentées l'ont dit, que beaucoup ont voté pour Emmanuel Macron, d'abord et avant tout, pour battre l'extrême droite et pas pour le projet de M. Macron. En revanche, moi, je crois en effet que le vote de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale s'est très largement fait autour d'un programme, et ça aussi, ça a été mesuré. Et ils ont voté aussi pour des mesures d'accompagnement social. Ça va être compliqué à défendre vis-à-vis de ceux qui vous ont donné leur confiance, de dire au fond, tout ce paquet pouvoir d'achat, on va pas le voter parce que ça ne correspond pas à ce qu'on attend exactement. Non, je crois qu'il faut voir une chose s'agissant de la hausse des prix. Disons les choses. La hausse des prix, Caroline Roux, il y a ceux qui la subissent, la grande masse du peuple qui la subit, il y a ceux qui en profitent. Parce que quand vous avez une inflation de 5-10%, c'est un vol de votre salaire en quelque sorte. C'est-à-dire ça vient rogner vos salaires. Qui va payer ? cette inflation? Qui va payer cette hausse des prix? Est-ce que c'est la vie des gens, la variable d'ajustement, comme on le voit aujourd'hui, des gens qui doivent arbitrer entre des dépenses de la vie courante, ou est-ce que ce sont les profits? Parce que disons les choses, pendant qu'une grande masse des Français qui nous écoutent ont l'existence pourrie par la hausse des prix, vous avez la petite minorité qui arrache le jackpot dans le grand casino de la course au profit. Un gouvernement digne de ce nom, responsable, devrait dire halte au feu, stop, ça suffit. On peut pas avoir d'un côté... Comment est-ce qu'il dirait halte au feu, stop, ça suffit? Eh bien, par exemple, en faisant ce que nous appelons de nos voeux depuis longtemps, en bloquant les prix, c'est-à-dire pas en faisant ce que s'apprête à faire M. Macron. Disons les choses, le projet de loi pouvoir d'achat qui va nous être proposé, ça n'est pas un projet de loi pour le pouvoir d'achat, c'est un projet de loi qui vise à vous faire accepter la baisse du pouvoir d'achat. Quand vous avez des petits chèques, très insuffisants, toujours variables et aléatoires, des revalorisations dont vous savez qu'elles sont inférieures à l'inflation, en fait c'est un projet de loi qui entérine l'idée que votre pouvoir d'achat va baisser. Qui ça n'est pas l'urgence. Acceptable. Qui gère l'urgence. Gérer l'urgence, Caroline Roux, c'est dire on ne peut pas avoir des pleins d'essence à plus de 100 euros, pendant qu'au premier trimestre 2022, Total fait 5 milliards de bénéfices et réalise l'an dernier le bénéfice record de toute l'histoire industrielle de ce pays, et le PDG de Total qui s'est augmenté l'année dernière de 52%. Les gens qui nous écoutent, là, vous qui travaillez, est-ce que votre salaire à vous, il a augmenté de 52% l'année dernière? Non, absolument pas. Donc voilà ce qu'il s'agit de faire. Revenons la motion de censure, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous en espérez? Qu'est-ce que vous voulez démontrer avec cette motion de censure? Écoutez, s'il n'y a pas de vote de confiance, il faut que le Parlement puisse voter, y compris parce que ce vote situe les parlementaires. Quand il y a le vote de confiance, vous votez contre, vous êtes dans l'opposition, vous votez pour, vous êtes dans la majorité. En fait, vous essayez de piéger les autres oppositions. Pas de les piéger, mais que chacun soit devant ses responsabilités. Nous avons déposé un texte, nous déposerons un texte qui se concentrera uniquement sur la question démocratique, c'est-à-dire ce que s'apprête à faire ce gouvernement qui est un coup de force inédit. Les LR et donc chacun pourra se positionner. Il dit c'est puéril de la part de la NUPES. Mais écoutez, si les Républicains considèrent que la démocratie est puérile, je leur suggère de quitter cette Assemblée. Honnêtement, à ce moment-là, on ferme l'Assemblée nationale. On laisse un gouvernement hors sol, fait du prince, décider de tout. Non, cette ère-là est terminée. Aujourd'hui, c'est le Parlement qui est fort. Et d'ailleurs, je le dis, sur le pouvoir d'achat, nous venons de faire avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale une grande proposition de loi face à l'urgence sociale, avec l'augmentation du SMIC à 1500 euros, le fait qu'aucune pension de retraite ne puisse être inférieure au SMIC. Et vous espérez que le gouvernement reprenne certaines mesures? Ben écoutez, maintenant c'est comme ça qu'il faut dire et procéder avec M. Macron, c'est lui dire qui bloque. C'est pas nous qui bloquons. C'est vous qui faites de l'obstruction régulièrement lorsque les propositions viennent des bancs de l'opposition. Est-ce que, par exemple, M. Macron est prêt à mettre cette proposition de loi à l'ordre du jour et à appeler ses troupes à la considérer, voire le cas échéant à la voter? Jean-Luc Mélenchon a expliqué hier que la victoire n'était pas loin et qu'au fond, il fallait peut-être le blocage pour obtenir une dissolution. C'est pas une question de blocage. Ce qui est sûr, c'est que la crise politique n'est pas réglée et nous pensons qu'elle se réglera tôt ou tard par les urnes. Et donc, nous devons rester mobilisés. Pas dans la rue, c'est ça que vous dites aussi? Il y a les deux. C'est-à-dire que vous avez vu Jean-Luc Mélenchon hier, et je relais sa proposition, il a proposé que, à la rentrée, sous l'impulsion de la nouvelle Union populaire, nous pourrions avoir une grande marche contre la vie chère. Je dis à celles et ceux qui nous écoutent, ne croyez pas que la hausse des prix soit le fait de la guerre en Ukraine, comme on l'a dit, sachant que là, on consomme les stocks de blé de l'année dernière, quand la guerre en Ukraine n'avait pas commencé. Ça joue un brin sur l'énergie quand même, Adrien. Ce qui joue le plus, Caroline Roux, vous devriez le dire, ce qui joue le plus, c'est la spéculation. Et donc, je dis à celles et ceux qui nous écoutent, vous êtes en droit de réclamer votre dû et de ne pas accepter que ce soit vos vies, les variables d'ajustement de cette inflation. Ce qu'Emmanuel Macron appelle les profiteurs de guerre. Oui, mais je ne vois pas qu'il fasse grand-chose là-dessus pour l'instant. Dans le projet de loi pouvoir d'achat, il y a la volonté de faire passer des propositions sur la souveraineté énergétique pour donner au gouvernement le pouvoir de réquisitionner, par exemple, des centrales à gaz, parce qu'il va manquer de gaz, vous en avez parlé à l'instant. Est-ce que vous y êtes favorable? Je ne suis pas favorable, par exemple, à la réouverture de la centrale à charbon, comme on en a parlé. Je crois qu'il faut dire les choses aussi s'agissant de l'énergie. Le marché, c'est le chaos. On le voit, Caroline Roux. Vous avez une spéculation aussi sur le marché de l'énergie. Depuis qu'on a ouvert à la concurrence, les prix ont explosé, alors qu'on disait aux Français, l'ouverture à la concurrence va faire baisser les prix. Adrien Quatennens, on a pris des décisions vis-à-vis de la Russie. Est-ce que c'est pas ça aussi ce qu'on est en train de payer et d'assumer collectivement, européen? Bah, disons qu'à côté de ça, il aurait fallu être très conséquent. Par exemple, Emmanuel Macron, là, s'achève sa présidence de l'Union européenne. Il aurait pu décider, Monsieur Macron, de s'accorder avec ses partenaires européens, avec nos partenaires européens, pour négocier un prix bloqué du pétrole. Il ne l'a pas fait. Vous avez vu qu'il est allé le réclamer désormais au G7, je crois, la semaine dernière. Tout ça est ridicule. Ça fait des mois qu'il aurait fallu le faire. Est-ce que vous assumez de dire aux Français ce matin qu'il va falloir aussi les enjoindre dès maintenant à plus de sobriété? Mais bien évidemment que la question de la sobriété va se poser et que l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour que ce soit les Français sur qui reposent tous les efforts quand vous avez une petite minorité qui se gave littéralement. Hein, tant que Jeff Bezos et d'autres très riches continueront à aller acheter leurs baguettes de pain en jet privé, vous pourrez faire en tant que particulier tous les efforts que vous voudrez, on ne réglera pas le problème. Il y en a marre si vous voulez que ce soit la grande masse des petites gens qui bossent. Qui est à payer dans ce pays. Voilà. Je voulais vous poser une question très rapide. Je suis un peu en retard sur Tahar Bouhafs, qui avait perdu son investiture après un signalement à la France Insoumise pour des accusations de violences sexuelles. Il réclame une procédure juste et équitable et il vous accuse, il accuse les dirigeants de gauche de lui avoir tiré une balle dans le dos. Je vais vous dire, Caroline Roux, pendant les investitures aux élections législatives, nous avons été saisis, notre comité a été saisi d'accusations graves d'agressions sexuelles. Et donc, nous avons pris une décision dans une procédure d'urgence qui était de ne pas investir ce candidat. Maintenant, il veut se défendre, il en a le droit, et donc il pourra être entendu s'il le souhaite par nos instances. Mais je veux alerter sur une chose, c'est que nous ne pouvons pas nous substituer à la justice. Nous, nous sommes un mouvement politique, les décisions que nous prenons sont de l'ordre de la précaution pour protéger des femmes. Mais évidemment, nous encourageons, y compris les plaignantes, à porter plainte, de manière y compris à ce que les parties citées puissent se défendre. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci. La parole est à présent à M. Christophe Naegelaine du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, notre pays traverse une crise, ou plutôt des crises sans précédent. Les normes, les lois écrasent les Français, nos associations, nos entreprises, principalement les plus petites. Beaucoup de Français et une majorité de travailleurs n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Nos hôpitaux sont au bord de l'implosion, nos enseignants manquent de soutien. Bref, les exemples ne manquent pas. Il est important de tout revoir. Il est important de tout repenser. Pas dans l'intérêt d'un parti ou de plusieurs, mais dans l'intérêt des Françaises et des Français. Et j'ose espérer que nous pouvons tous partager ces constats. Mais les Français ont voté. Ils ont tranché. Et souverainement, la solution, elle est très simple. Le président Emmanuel Macron est élu et ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc les résultats ne souffrent d'aucune contestation. Ils s'imposent à nous tous. C'est la démocratie. Mes chers collègues de la France insoumise, de cette union populaire, votre motion de censure semble inappropriée, prématurée. Elle ne masque pas non plus une réalité évidente. Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu président de la République. Il a même été éliminé au premier tour de cette élection présidentielle. De plus, il a, à mot couvert, appelé à voter Emmanuel Macron au deuxième tour. C'est un jugement de valeur et je ne le remets pas en cause. Mais trois mois après, alors même que le gouvernement n'a pas pu se mettre au travail, il est compliqué de le demander et de le censurer, alors même qu'ils n'ont pas pu faire leurs preuves et donc qu'on ne peut pas juger ce qui va être fait. Et malgré une campagne menée sous le slogan Mélenchon à Matignon, on est bien loin, et vous êtes bien loin, d'obtenir une majorité, même relative, dans cette Assemblée. Le dépôt d'une motion de censure, décidée avant même la déclaration de la Première ministre, montre à nos concitoyens un exemple déplorable. Et au lieu de répondre aux préoccupations des Français, on assiste à une pièce de théâtre ridicule, qui ne vous met pas en valeur, qui ne nous met pas en valeur, et je pense même... En tout cas, j'espère que vous n'en serez pas récompensé, ni d'ailleurs pour l'intégralité de votre œuvre. N'estimez-vous pas que nous devons donner l'exemple? Ne pensez-vous pas que ces pantomimes contribuent à discréditer le mandat que les Français vous ont confié et nous ont confié? Votre motion ne sera votée que par les groupes de la NUPES. Vous aurez donc réussi indirectement à conforter la politique et le gouvernement. Les députés de mon groupe, petit groupe certes, vous l'avez dit et vous le dites très bien, Mme Garrido, ont été élus contre des députés de l'ex-majorité, contre des candidats de votre ensemble ou de votre union de groupe et contre des candidats du Rassemblement national. Ils s'inscrivent dans l'opposition, mais ils refusent la caporalisation et se présentent en hommes et en femmes libres. Comment expliquer qu'après avoir dit que nous jugerions sur pièce les engagements de la Première ministre, nous votions une semaine après pour la renverser? Il revient, Madame la Première ministre, à l'exécutif à créer les conditions d'un meilleur travail majoritaire et avec l'opposition, sur le fond et sur la forme. C'est votre responsabilité que d'organiser cette nouvelle méthode de travail. Les premiers signaux envoyés ne nous rassurent pas forcément. Madame la Première ministre, vous aviez parlé de co-construction. Quand on voit comment se sont passés les premiers échanges ici à l'Assemblée nationale, permets-moi d'en rester dubitatif. Nous avons, concernant cette union populaire, de profonds désaccords sur le fond. Et bien que, comme j'ai dit, nous soyons positionnés dans l'opposition, une opposition qui sera constructive, et nous voterons quand les textes iront dans le bon sens, nous vous opposerons quand nous penserons que les textes ne sont pas favorables à l'intérêt des Français et des Français. Quand on analyse un peu votre contre-projet, très honnêtement, il ne nous donne pas plus envie de nous positionner en cette faveur. Je ne me retrouve pas dans le contre-projet que nous présentent les auteurs de la motion de censure. Je note d'ailleurs que ce dernier reprend largement les propositions du candidat de la France insoumise à la présidentielle, accentuant la mélanchonisation de la gauche. Je ne crois pas dans une économie administrée par l'État. Votre programme est inapplicable et serait la ruine de la France. Je ne me retrouve pas non plus dans votre logique de lutte de classe qui oppose entrepreneurs et salariés. Et je ne parle pas des grands groupes qui pratiquent cette optimisation fiscale dont notre groupe parlementaire, dans la précédente législature, avait d'ailleurs demandé une commission d'enquête parlementaire sur non seulement cette optimisation, mais surtout sur la fraude, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit sociale. Je ne parle pas ni des hommes ni des femmes qui ont fait le choix d'entreprendre. Ces dirigeants de TPE, de PME, de PMI, ils prennent des risques, ils contribuent à la vitalité de nos territoires. Plus largement, et en sortant du cadre de votre programme économique, je ne me retrouve pas non plus dans vos positions sur les questions régaliennes et je trouve irresponsable de dire que notre police tue. Heureusement, il y a des points sur lesquels nous pouvons tous être d'accord. Je pense notamment à la déconjugalisation de l'allocation pour adultes handicapés. Ce sera, je l'espère, porté très prochainement et je l'espère aussi voté de manière unanime, sans posture partisane, encore une fois, dans le seul et unique intérêt des Français, car souvenons-nous-en bien, c'est par eux et pour eux que nous avons été élus. Bon, sans suspense, cette motion que vous portez, elle sera largement rejetée. Nous n'y participerons pas. Son rejet, je l'espère, nous permettra au moins de nous mettre au travail pour les Françaises et pour les Français. Je vous remercie. Si tu sais te servir, mon fils, d'une matraque, ce qui, dis-toi le bien, est parfois délicat, si un lazzi moqueur ou un rire te braque, si tu ne lis jamais Mauriac, Gide ou Kafka, si tu sais obéir et marcher sans comprendre, si tu peux harceler le conducteur d'auto, le rendre fou, le piétiner et le pourfendre, comme si de Satan il était le suppôt, si tu peux empêcher un gosse aux yeux candides de cueillir une fleur là où c'est défendu, si tu aimes sévir sans te sentir stupide contre des amoureux s'embrassant dans la rue, si chasser le voleur comme on chasse une bête exalte au fond de toi des plaisirs insensés, si tu peux sans trembler presser sur la gâchette et si tu peux viser sans jamais y penser, si tu peux sans rougir mais avec insolence tutoyer un vieillard suspect d'on ne sait quoi et si tu peux gifler au cours d'une séance l'homme qui devant toi a peur et reste quoi, si fort de ton pouvoir et de ton beau costume, tu peux brimer les gens et leur serrer la vis. Si ton cœur n'est que fiel, colère et amertume, alors tu seras flic, mon fils. Je vous assure, c'est pas facile de présenter une émission avec Jean-Yann, il ne respecte rien. Revue de presse, une petite revue de presse. Enfin, la presse, pas le... Le papier qu'on reçoit tous les jours, pour lequel on paye un abonnement et dans lequel on trouve quasiment la moitié de pages de sport, quelques pages de publicité, et puis le reste, bah, y a très peu d'informations, hein, c'est de l'information arrangée, voilà, hein, bon voilà. Pourquoi a-t-on créé les radios libres, à votre avis, hein? Il faudrait donner une note. Voilà, que chaque citoyen donne une note. Alors, premièrement, aux journalistes. Deuxièmement, aux politiciens. Troisièmement, aux employeurs. Quatrièmement, aux commerçants. Puis la liste n'est pas limitative, vous pouvez continuer si vous voulez. Alors, résultat, la plus mauvaise note donnera droit au RSA pendant 5 ans. Eh oui, le plus mauvais député pendant 5 ans, il touchera le RSA, par exemple. Hein? Ouais? Ah voilà, par exemple. Les abstentions. Le droit de vote. Droit et ou devoir. À quoi sert le vote? À qui sert le vote? Cela ne sert à rien, cela n'arrange rien. Cela montre le manque de confiance des électeurs qui ont l'impression d'être trahis régulièrement. Le problème du chômage n'est même pas évoqué. C'est extrêmement... Vérifiez dans votre journal, tiens, sur les 24 pages, combien de fois le mot chômage est écrit. C'est quand même pourtant le problème numéro un de la société française en 2022, depuis des années et puis pour quelques temps encore. Le problème du chômage n'est même pas évoqué, c'est extrêmement grave. les 6 millions d'êtres humains, d'électeurs, de citoyens, d'électeurs concernés, montrent leur méfiance, leur mépris, leur haine contre les, entre guillemets, décideurs qui ne font rien. Un élu inutile est un parasite. Un élu inutile est un parasite. Il est nuisible au bon fonctionnement d'une société dite civilisée, qui se croit, qui se dit civilisée. Le chômage, c'est comme la guerre, une forme d'oppression, d'agression. Les parasites qui vivent du travail des autres utilisent le chômage comme moyen de pression. Il s'agit de peser sur les conditions de travail, sur les salaires. L'esclavage n'a pas été aboli, seulement atténué. Ceux qui n'agissent pas contre ça, qui ne votent pas contre ça, sont des complices. Ils sont complices de leur malheur et du malheur des autres. Le droit de vote, il y a le permis de chasse, il y a le permis de conduire avec un examen pour les deux. Et s'il y avait un examen pour avoir le droit de vote, et si le vote était obligatoire, tout ça avec des points d'interrogation. La Cour des comptes révèle que Brigitte dispose d'un directeur de cabinet, d'un chef de cabinet et d'une assistante qui lui consacre les deux tiers de l'activité, soit un coût considérable de 278 000 euros, en plus de son statut, entre guillemets statut, à 538 000 euros, point d'interrogation. Autre chose, toujours prise sur la presse, sur les informations Internet. Hein. Maintenant, on pourrait presque enseigner aux enfants dans les écoles comment la planète va mourir. Non pas comme une probabilité, mais comme l'histoire du futur. On leur dirait qu'on a découvert des feux, des brasiers, des fusions que l'homme avait allumées et qu'il est incapable d'arrêter. Que c'était comme ça qu'il y avait des sortes d'incendies qu'on ne pouvait plus arrêter du tout. Le capitalisme a fait son choix. Plutôt ça que de perdre son règne. Alors ça signait Marguerite Duras, le matin, 4 juin 1986. C'est pas d'hier, hein? Rapport Oxfam. Un nouveau milliardaire toutes les 30 heures. 1 million de nouveaux pauvres toutes les 33 heures. On se souviendra que l'accession au pouvoir des fascistes italiens et des nazis a eu lieu grâce à des accords avec la droite, laquelle croyait naïvement qu'elle pourrait contrôler les fascistes et les utiliser, notamment contre la gauche, et que les institutions tiendraient, entre guillemets, tiendraient. Vous connaissez la nouvelle des ministres? La nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, non? Elle a un tonton qui s'appelle Alain Duhamel. Un autre tonton qui s'appelle Patrice Duhamel. Un cousin germain qui s'appelle Benjamin Duhamel. Une tante qui s'appelle Nathalie Saint-Cric. Nathalie Saint-Cric. Et un mari qui est DG de la Société Générale. La démocratie de l'entre-soi a encore de beaux jours devant elle. Vive le 14 juillet. Le régime Macron, ce n'est pas un gouvernement, c'est un conseil d'administration. Le frère de la DIRCOM de Uber Europe est ministre du numérique. Le mari de la patronne de la stratégie de Google France est ministre de la fonction publique. La femme du patron de la Société Générale est ministre des Sports. La femme du patron de Carrefour est secrétaire d'État à l'enfance. Ce n'est probablement que la partie émergée de l'iceberg. Olivier Faure, s'il n'y avait pas eu l'accord de l'ANUP, la NUPES si vous préférez, l'extrême droite se serait retrouvée dans 200 circonscriptions supplémentaires au deuxième tour et l'aurait remporté dans la moitié des cas. Ce ne serait pas 89 députés, mais 189. Mesurons l'importance de cet accord. Adrien Quatennens, que des membres de la NUPES participent à un gouvernement de coalition derrière Emmanuel Macron n'aurait absolument aucun sens, aucune cohérence. Notre mandat est clair, nous opposer à la maltraitance sociale et l'irresponsabilité écologique de sa politique. Jean-Luc Mélenchon. Il y a 80 ans, la politique française arrêtait plus de 13 000... La police française. Oh, police politique, c'est quand même pas la même chose, bon sang. Hein? Oh, la police, c'est écrit sur le papier, police française, arrêtait plus de 13 000 juifs pour les déporter. Sur ordre de Pétain, Maurras demandait qu'on n'oublie pas les enfants. Voilà qui étaient les tenants de la, entre guillemets, nation organique, réservée à certains, proscrite aux autres, des antisémites assassins. Les tentatives de Macron pour réhabiliter Pétain et Maurras sont inadmissibles. Quand Macron parle de nation organique comme l'extrême droite, c'est inadmissible. Mathilde Panot. Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. Gérard Miller. Décidément, les êtres humains ont des yeux pour voir, une mémoire pour oublier. Ce qui a été possible en Allemagne en 1933 avec Hitler l'a été en France en 1940 avec Pétain. Au nom de quoi ce qui a été possible aux USA en 2016 avec Trump ne pourrait pas l'être un jour en France. Le pétainisme n'a pas été importé dans les wagons allemands. C'était un mal bien français, un fascisme, tout ce qu'il y a de plus local. Si le pouvoir trumpiste vous semble inexportable, dites-vous que rien n'est interdit, qu'il ait un jour sa version bien chez nous. Alors, sur 25 députés français soumises, quelle est leur profession de ces 25-là? Contrôleuse interne, ouvrier qualifié, cadre administratif et commercial, employé administratif, cadre de fonction publique, journaliste, fonctionnaire catégorie A, professeur scientifique, plus 11, ingénieur, plus 1, étudiant, employé de commerce, facteur, chef d'entreprise, plus 1, hein, chef d'entreprise qui est insoumis. Eh oui, on peut être intelligent dans toutes les professions. Professeur de lycée professionnel, retraité, sans profession et responsable associatif. Jean-Luc Mélenchon, nous sommes l'expression politique des plus pauvres, des chômeurs, des oubliés de ce pays. Parmi les 10% des circonscriptions où il y a le plus de pauvres, 80% ont été gagnés par la NUP. Nous avons la fierté d'avoir construit le plus grand parti populaire depuis la Libération. Nos succès dans les quartiers populaires, sur les 10% des circonscriptions avec le plus pauvre, alors 5% et les 2% ensemble, 13% RN et 80% NUP. Eh oui, comme quoi, avec un tout petit peu de courage, on peut voter pour la NUP. Oui, il suffit de réfléchir 3 minutes. Et 3, allez, 4 minutes. Mettons 5, allez. Les JO. Alors, Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail. Pourquoi 75 000 bénévoles aux Jeux Olympiques de 2024. Le bénévolat, cela n'existe pas en droit du travail. Or, c'est du travail. C'est donc illégal. Les Jeux Olympiques, c'est des milliards. Vous devez payer un SMIC au moins à ces 75 000 jeunes. Voilà. La fourmi, par haine du cafard, vota pour l'insecticide. Ils furent tous anéantis, même le grillon qui s'était abstenu. Ah, c'est codé tout ça. La fourmi, par haine du cafard, vota pour l'insecticide. Ils furent tous anéantis, même le grillon, qui s'était abstenu. Ah, bon. Thomas Porte, 40% des catholiques ont voté pour l'extrême droite. Pas beaucoup d'articles ou de réactions à ce vote. Communautarisme, entre guillemets communautarisme. Décidément, le traitement médiatique est différent pour certaines catégories. L'Humanité, numéro ancien. Scandaleuse décision de Giscard d'Estaing. Drapeaux en berne demain sur les ministères pour les obsèques de Franco. Je répète, drapeaux en berne demain pour les ministères pour les obsèques de Franco. C'était Giscard d'Estaing. Eh oui. Oh. Pourquoi les Français n'ont-ils pas confiance dans l'industrie pharmaceutique? C'est un peu pour ça. Le scandale du Lancet, le scandale du Remdesivir, le scandale du Tamiflu, le scandale du Levothyrox, le scandale du Dicilben, le scandale de l'hormone de croissance, le scandale du chlordécone, le scandale du sang contaminé, le scandale de l'isoméride, le scandale du Mediator, le scandale de la Dépakine, le scandale des vaccins H1N1, le scandale du Vioxx, le scandale du Diane 35, le scandale du thalidomide, le scandale de la sergivastatine. On est rassuré, hein? Oui, on peut faire confiance à nos politiques et à leurs alliés. Gilles Belrose, il y a 75 ans, on a demandé à Hermann Göring, lors du procès de Nuremberg, comment les Allemands avaient pu accepter tout cela. Il a répondu, c'est très facile et ça n'a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, socialiste, communiste, dans une monarchie ou une démocratie. La seule chose dont le gouvernement a besoin pour transformer les esclaves, les gens en esclaves, c'est la peur. Si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez. Hein? 1945, procès de Nuremberg. Oui. Je suis favorable à l'envoi immédiat d'une troupe d'élite pour sécuriser Kiev. J'ai une petite liste de bérets verts particulièrement aguerris à suggérer. Alors, numéro 1, Raphaël Guxman, logistique, réseaux sociaux. Robert Ménard, commando Jaubert, spécialiste extraction. Julia André, commando Hubert, nageur de combat, spécialiste amphibie. Bernard-Henri Lévy, sniper virtuose, spécialiste du combat de rue. Christophe Barbier, peut tuer à peu près n'importe quoi avec une écharpe spéciale. Monsieur le ministre de l'économie, le magazine Off, Investigation. Dans son enquête patrimoine de Macron, où sont passés les millions, point d'interrogation, affirme ceci, la banque Rothschild aurait passé un accord avec votre ministère depuis les années 2000 pour que les honoraires de ses associés gérants ne soient pas forcément fiscalisés en France, point d'interrogation. Ainsi, une part de la rémunération de ses banquiers, des millions d'euros, serait versée à l'étranger, sous forme de trust, à Jersey, à Guernesey, à l'île de Man, il bénéficierait ainsi d'un paradis fiscal. Le journaliste qui a travaillé sur ce dossier déclare que ni l'Élysée ni la banque Rothschild n'ont souhaité lui répondre, et c'est donc tout naturellement que je me tourne vers votre ministère. Un tel accord entre Bercy et la banque Rothschild existe-t-il? De tels accords existent-ils également avec les autres banquiers du pays? Si oui, pourquoi ce régime d'exception qui ne prévaut pas pour les autres salariés, entrepreneurs, professions libérales, tous taxés, eux, selon la loi française? Alors, point d'interrogation, signé François Ruffin. Autre chose, liste incomplète des journalistes et éditorialistes qui nous expliquent comment réformer les retraites. Alors, Olivier Mazerolle, 77 ans. Jean-Jacques Bourdin, 70 ans. Jean-Pierre Elkabbach, 82 ans. Hélène Pilichowski, 71 ans. Catherine Ney, 75 ans. Alain Duhamel, 79 ans. François de Closette, 85 ans. Christine O'Krent, 75 ans. Arlette Chabot, 68 ans. Robert Namias, 75 ans. Pierre Veil, 69 ans. Jérôme Jaffré, 80 ans. Olivier Duhamel, 69 ans. Michel Cotta, 82 ans. Daniel Cohn-Bendit, 74 ans. Romain Goupil, 68 ans. Les élections. En 1968, certains disaient « élection, piège à con ». Une fois tous les 5 ans seulement, nous avons le choix. Voter ou pas. C'est grave. Les conséquences sont graves. Elles peuvent être très graves. En 1933, en Allemagne, les électeurs ont voté. Il y avait 6 millions de chômeurs. Le parti nazi a été mis au pouvoir. Hitler a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. 60 millions de morts sur le front et dans les camps de concentration. Des millions de vies gâchées à cause d'un bulletin de vote mal choisi. Actuellement, en France, il y a 6 millions de chômeurs pour 67 millions d'habitants. N'ignorons pas les leçons de l'histoire. Nous avons une occasion de changer les choses. Peut-être la dernière avant longtemps. Notre vote risque de gâcher la vie à 3 générations au moins. Une seule solution, votons Mélenchon. Votons pour le grand programme L'Avenir en commun. Alors ça, c'était avant les élections, bien sûr. Hein. Eh oui, pourquoi ressortir des choses comme ça, d'avant les élections, après les élections, hein? Pourquoi donc? Ce sont les métiers dits sales, comme éboueurs ou égoutiers, qui contribuent le plus à la propreté. Et paradoxalement, ce sont les professions de prestige, comme politique, financier, haut responsable, qu'on trouve le plus d'ordures. Signé Coluche. Et c'est vieux. Procès de la tentative d'assassinat fasciste à Nantes, la confession au-dessus de la loi. Depuis lundi, le procès d'un commando de néofascistes qui ont essayé de tuer 2 adolescents le soir de l'élection présidentielle de 2017 a lieu à Nantes. Les prévenus et leur soutien parlent beaucoup de religion. Ils évoquent le regret, le pardon, la famille, le refuge à la foi. Ils se présentent comme de bons chrétiens. Parmi eux, François Mamès Cosseron de Villenoisy, issu d'une famille noble, a donné des coups de pied dans la tête de la victime au sol qui gardera des séquelles pour toujours après avoir frôlé la mort. Devant la juge, le prévenu déclare avoir eu honte et ressenti de l'inquiétude, et qu'il serait donc allé se confesser, avouer ses actes à un prêtre. Le juge lui demande pourquoi ne pas aller vous dénoncer à la police. Il répond « par peur des conséquences ». La juge réitère « le prêtre ne vous a pas conseillé d'aller à la police ?» Réponse « non ». Un membre du clergé a donc passé sous silence une tentative d'assassinat commise par des néofascistes alors qu'il en avait connaissance et que l'enquête piétinait. Ces croyants ont décidément une lecture très particulière de la Bible. Cette déclaration rappelle celle de Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques, qui avait déclaré à propos des abus du pédophile au sein de l'Église. Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Leurs règles religieuses passent avant les règles communes. Des crimes peuvent être couverts par des prêtres. Parlera-t-on de séparatisme dans cette affaire? Les médias tourneront-ils en boucle sur la laïcité? Peu probable.